En marchant dans l'ombre, auprès de toi, je te couvrirai si tu as froid. Je serai comme un ange gardien, arrachant les ronces de ton chemin. Je te conduirai où tu voudras, quitte à t'y porter à bout de bras, pour que tu atteignes au final ta raison de vivre, ton idéal. Te transmettre mon énergie, pour que jamais tu ne perdes espoir. Je dépenserai toute ma vie, je te donnerai mon sang à boire. Tu auras mon cœur et ma confiance, comme gardien de ton existence. À moi seul je serai ton bouclier et ton épée. N'importe si la terre est ronde et si autour on rencontre des monstres ou des gens, je ferai face à tous les vents pour qu'au-delà de toutes les guerres tu franchisses toutes les frontières. Le plus grand et le plus fort, je combattrai jusqu'à ma mort pour porter chacun de tes fardeaux. Tu auras mes épaules et mon dos, je n'épargnerai jamais ma peine pour que tu ne sentes plus les tiennes. Que chaque matin, chaque action menée à bien te donne envie d'aller plus loin. Il ne faut jamais que tu aies mal, il ne faut jamais que tu aies peur. Je serai l'armure de métal qui te protégera du malheur. Je serai ta corne d'abondance, la main droite de ta providence. Je serai à toi corps et bien.